Thank you. Bruno Reverb. Thank you. joli ce qu'il fait là. It's very nice. K-Pix. Thank you. pas facile, hein. Enfin, moi, chez moi, c'est pas 5 Pro, tu vois. something. You must play the same thing. Attends, je sais ce qu'on peut faire avec ton truc. You say dégage. Complexe, enfin, qui a plus de d'accords. Clavier, c'est bien le clavier. Il y a un petit décalage au niveau tempo chez moi. Chanson de Michel Berger. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Thank you. elle est. Je pense que c'est pas la variété française. Thank you. Thank you. We'll be right back.